À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président du Comité national d'études du kimilsonisme kimjongilisme de Guinée et le directeur du journal péruvien Action Nationalista ont publié respectivement le 2 et 5 septembre un entretien.